qu'on vit, on écrit, on rit, on pleure, on cède aux envies, on peut sentir nos douleurs, nos cris, on délire, on tease, on vise le mille, c'est dit, on veut des mille et dix et vendre des milliers de disques, peu importe ce qu'ils disent, tant que je vis, je résiste, ne crois pas être à l'abri, ils savent où tu résides, tant que tu vis, réagis et insiste sur le meilleur, pour ne pas assister au pire à cause de tes craintes et tes peurs, n'attends pas ton heure, tant qu'on vit, on sent la chaleur, le froid, la haine, l'amour, la joie et la rancœur, mal au cœur, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, la douleur de nos plaies nous rappelle qu'on est en vie, c'est vivre pour mourir, une fois mort c'est plus facile, vivant il faut prouver, alors tuez-vous fascine, nettoie tes idées sombres, car tu deviens cruel, et sache que si tu le veux vraiment, la vie est belle, tant qu'on vit, faut faire des efforts, c'est pour ça que dans nos mains on puise, cette force de surmonter tous nos torts, et tant qu'on vit, on tente de vaincre nos peurs, c'est bien pour ça qu'on crie, et puis tant qu'on vit, à petit feu on meurt, tant qu'on vit, faut faire des efforts, c'est pour ça que dans nos mains on puise, cette force de surmonter tous nos torts, et tant qu'on vit, on tente de vaincre nos peurs, c'est bien pour ça qu'on crie, et puis tant qu'on vit, à petit feu on meurt. Chaque jour on se bat pour s'en sortir, profite de ta vie à fond, pas un sentiment poche, toujours en danger de mort, je vise le risque, et l'aventure tu kiffes, mais fais passer ta famille avant tout comme c'est, soirée forêt passe dans la piste, à frôler le drame en chute libre, on apprend vite que cette vie n'est pas celle qu'à l'école on décrit, tant qu'on vit y'a pas de limite, ça convient pas part ici, à dire que pour nourrir ces gens à la rue faudrait le salaire d'un ministre, on est tous pour, mais qui participe, on s'accroche à nos souvenirs, car la sortie de ce vice est invisible, tu rêves de partir loin, mais les moyens font que tu stagnes ici, moi, je veux un taf et vite, remballe-nous tes crashs, fais le vide, faut pas dramatiser, pourquoi parler de cash et de crise, de femme et de business, certes, tant que t'as envie, profites-en, car tu sais bien que dans ce cercle, vice c'est le crime, pêche, plaisante, baby, tant qu'on vit, faut faire des efforts, c'est pour ça que dans nos mains on puise, cette force de surmonter tous nos torts, et tant qu'on vit, on tente de vaincre nos peurs, c'est bien pour ça qu'on crie, et puis tant qu'on vit, à petit feu on meurt, tant qu'on vit, faut faire des efforts, c'est pour ça que dans nos mains on puise, cette force de surmonter tous nos torts, et tant qu'on vit, on tente de vaincre nos peurs, c'est bien pour ça qu'on crie, et puis tant qu'on vit, à petit feu on meurt, tant qu'on vit, on peut mourir, on peut s'élever, on peut se battre pour réussir, se relever, on peut pleurer, mais on peut aussi sécher ses larmes pour couler le long de nos jouets, la vie n'est pas un jouet, aime la vie t'aimera, oui aime-la comme si elle t'avait mise au monde, mais n'oublie pas, elle peut te quitter chaque seconde, c'est la vie, on la respire qu'une seule fois, mon Dieu pardonne-moi, j'ai pas toujours fait les bons choix, prêcher les bonnes paroles, c'est comme ça, moi je l'avoue, quand je fais tout travers, normal qu'au fond je finis seul dans mon gourd, je veux dire, la vie c'est un cadeau, parfois empoisonné, mais pas toujours, tout dépend toi, pas toi, les points levés, c'est mon avis, ma vision de vie, qui vivra verra, faut serrer la vis mon ami, depuis que le diable est ras, la vie fait mal man, parfois on se prend des coups, mais on continuera le combat, hors question de finir à genoux, si ce n'est pour prier et riez pas, j'aime briller de valeur à l'heure où l'amour par la haine s'est fait piller, tant qu'on vit, faut faire des efforts, c'est pour ça que dans nos mains on puise, cette force de surmonter tous nos torts, et tant qu'on vit, on tente de vaincre nos peurs, c'est bien pour ça qu'on crie, et puis tant qu'on vit, à petit feu on meurt, tant qu'on vit, faut faire des efforts, c'est pour ça que dans nos mains on puise, cette force de surmonter tous nos torts, et tant qu'on vit, on tente de vaincre nos peurs, c'est bien pour ça qu'on crie, et puis tant qu'on vit, à petit feu on meurt.